Chapitre 10e, cinquième jour. Christophe entendit le silence, il jeta un coup d'œil sur son réveil, 6 heures. C'était un peu tôt pour se lever, quoiqu'il n'y ait pas de bonne heure pour sortir du lit. Il se leva. Qu'avait-il pu encore rêver? Aucun souvenir ne lui revint comme tous les matins. Il se rappelait parfaitement du film qu'il avait vu la veille au soir. Il s'était repassé Le Lauréat, un de ses films préférés. Des acteurs superbes, un film distrayant. Une musique géniale, quelle bonne soirée. Et puis, il s'était récité des poèmes pour s'endormir. S'il prenait son temps pour boire son café, en feuilletant une revue, il agissait comme Marie le lui avait dit. Elle avait toujours de bonnes suggestions. Elle savait apprécier la vie, la déguster sans se presser. Elle avait été éduquée ainsi par sa mère. Plus tard, elle transmettra ses recettes à ses enfants, s'il en a avec son mari. Cette pensée risquait de lui gâcher sa journée. Il avait peur que Marie ait des enfants et qu'elle s'éloigne de lui. Ils évitaient ce sujet de discussion, mais ils imaginaient les réponses probables à leurs questions. Christophe aurait adoré faire un enfant à Marie. Le sujet n'était plus à l'ordre du jour depuis que Marie avait choisi de ne pas quitter son mari, et il n'y aurait pas de merveilleux accidents. Il se protégeait. Christophe ne parvint pas à se concentrer sur sa revue, et son café avait un goût amer. Il arriva très tôt chez Christian. « Tu fais des heures supplémentaires, inspecteur ? Ai-je droit à un café ce matin ? Je te le fais fort. Ta journée va être longue en commençant si tôt. Elle finira rapidement si ça se trouve, mon bon. Tu vas me raconter. Je reviens avec les munitions. » Christophe se revit au stand de tir quand il s'imaginait visant le mari au cœur de la cible. Cette illusion avait des effets divers selon les jours. Quand il pensait à son rival, il redoublait de précision et ratait rarement sa cible. Quand il pensait à l'homme qui rendait Marie heureuse, il ne tirait plus pour tuer et soulevait les quolibets de ses collègues. Christophe n'arrivait plus à en vouloir à cet homme chanceux, et c'était un lourd handicap pour parvenir à lui prendre Marie. Elle l'aimait, ce type. Il ne pouvait donc pas être rayé de la carte. Tout ce qu'aime Marie est sacré. Tout ce qu'est Marie, tout ce qu'elle touche, est sacré. Lui-même est devenu sacré. Avant, il ne s'aimait pas trop. Maintenant, il se voyait avec les yeux de Marie. Ce serait plus simple s'il pouvait simplement haïr son rival, essayer de lui ravir Marie, devenir fourbe, tricher, monter un sale coup. Seulement, il n'était pas sûr de rendre Marie heureuse. Qui pouvait prétendre à coup sûr rendre quelqu'un heureux? Alors, il était là, au milieu de sa vie, ne sachant que faire, empêtré dans son manque de confiance, dans le désert de ses absences de convictions profondes. Le jour de leur rencontre, Marie était devenue le centre du monde. Il ne se souvenait plus du centre précédent. Sa mère, une autre femme, son métier. Toujours dans tes pensées, Christophe. Entre nous, en toute amitié, je ne trouve pas très sain que tu vives tout le temps avec des souvenirs et des images. Je crois que tu fais fausse route avec Marie, affirma Christian. Il n'y a pas d'autre route possible. Tu te trompes complètement, Christophe. Je n'ai pas l'ambition de te convaincre, mais si tous tes amis te le disaient, peut-être verrais-tu les choses différemment. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, avec un pilotage automatique de tes sentiments à fleur de peau pendant 95% de ta vie. Lorsque tu n'auras plus cet automatisme, la panne sera irréparable. Tu as sans doute raison, Christian, mais je n'ai plus le choix. Ils se regardèrent un instant sans parler. Tu as le choix, on a toujours le choix, il faut changer tes habitudes. Tu te drogues à Marie, tu es dépendant de cette femme et en plus, tu ne la vois pratiquement jamais. Il faut te désaccoutumer, comme on dit de la drogue. Le peu de temps que tu passes avec elle bouffe le reste de ta vie. Christian s'était exprimé fermement. Tu exagères, j'ai mon travail, mes amis. Heureusement, c'est ce qui te distingue d'un zombie, pour l'instant du moins, car j'ai l'impression que tu es sur une mauvaise pente. Tes moments de lucidité extra-marie sont de plus en plus rares. Tu vas finir par être entièrement possédé, même en ne la voyant plus. Et tu as besoin de stabilité. Tu n'es pas comme Martin, tu me ressembles. Je suis heureux avec ma femme. Vivre à deux, c'est nécessaire. Avoir des projets, parler, aimer, vivre, quoi. Sans doute. C'est gentil de te préoccuper de moi. Marie et moi, c'est compliqué. Je te remercie, Christian. Pas de quoi, j'en profite. C'est exceptionnel d'avoir l'occasion de te parler sans la présence de Martin. Il jeta un coup d'œil comme pour s'assurer qu'il n'arrivait pas. Tu peux parler devant lui? Non. Je ne voudrais pas qu'il interprète mal ce que je dis. Tu me vois quelques minutes par jour, lui tu le fréquentes toute la journée. Quand on parle du loup, le voilà, notre Martin. Bon, je te laisse, je vais lui préparer son petit déjeuner. Les clients vont arriver. Tu peux me faire un autre café, s'il te plaît ? Martin s'installa. Tu l'as depuis longtemps, Christophe ? Assez, oui, je me suis réveillé tôt. Tu ne fais pas assez d'exercices nocturnes. Enfin, je parle des vrais exercices. À propos de forme, comment était ton cocktail hier soir ? Ah, voyons. Je dirais un tiers de mystère et un tiers de tempête, un tiers de recherche fondamentale et... Pour relever un zeste de perversion. Je ne comprends pas tout, mais je suis impressionné. Bref, c'était bien. Oui, c'était bien. Très bien. Quand me décriras-tu tes relations amoureuses avec Marie ? Je veux dire, en employant des images et des expressions, comme les miennes. Je ne sais pas. Pas aujourd'hui. Comment décrire le cocktail Marie ? Christophe avait très envie d'y penser. Il le voyait de couleur bleu clair, transparent au-dessus, plus dense et opaque dessous, avec des reflets rouges de fruits sucrés. Et puis un glaçon, pour la fraîcheur des baisers, et de l'alcool blanc, juste ce qu'il faut pour faire tourner un peu la tête sans faire perdre les sensations. Une paille, pour pouvoir le goûter de tous les côtés et à toutes les profondeurs. Et puis, les odeurs chéries de celles que l'on reconnaît les yeux fermés et son goût un peu pimenté sur la langue. BG lisait un rapport lorsqu'il pénétrait dans son bureau. Le patron attaqua Bill en tête en réajustant son nœud de cravate. Hier après-midi, Marceau est allé travailler. Il est ensuite rentré chez lui vers 17h, en est ressorti à 20h30. Il a baladé notre équipe une demi-heure et il les a semés. « Oui, messieurs, semés. Qu'en dites-vous, car Paul ?»« C'est bizarre. Il devait avoir quelque chose de très important à faire. » PG leva les bras au ciel. « Il allait peut-être tout simplement voir une copine. » Une femme mariée, par exemple, avança Martin. Non, ça ne colle pas avec l'individu. Tu crois qu'il aurait pris ce risque pour ne pas compromettre une femme, sachant qu'il est suspecté dans une affaire de meurtre ? Bon, quels sont vos projets, inspecteur ? Déjà 5 jours d'enquête, mes vacances s'approchent. Vous y pensez à mes vacances ? J'ai lu votre rapport, car Paul est vous brûlé. Alors il vous reste 2 jours. Débrouillez-vous comme vous voulez. Allez-y, foncez. Maintenant, il faut conclure. BG replongea dans le rapport de la filature. En sortant, il l'entendit maugréer. Les cons. Semés comme des amateurs. Les cons. Le téléphone sonna. Martin répondit. Christophe n'écoutait pas. C'est vrai, il voyait Marie une fois par semaine. C'était peu. C'était beaucoup. C'était son dimanche. De temps en temps, il se demandait pourquoi elle ne pouvait le voir qu'une seule fois par semaine. Son mari était absent souvent. Il le savait. Il l'avait vérifié. Il avait cru qu'elle avait un autre amant. Il n'avait pas dormi plusieurs nuits, avait été très malheureux. Il avait fait son enquête. Non, pas d'autre amant. Il avait retrouvé le sommeil. Mais sa question restait sans réponse. Finalement, n'y tenant plus, il le lui avait demandé. Elle avait vaguement répondu que c'était plus prudent et que ça maintenait leur désir intact. Il n'avait pas osé insister, et cette question le hantait toujours. Pourtant, leur rencontre était extraordinairement réussie. Ils se donnaient à fond tous les deux. Ils étaient en parfaite harmonie. C'était Marie Solange. Elle croit voir le nom du type. Elle vérifie un point de détail et viendra nous voir après. Bon, où allons-nous déjeuner à midi ? J'ai réservé chez le Chinois. Il faut que nous sachions rapidement où Marceau est allé hier. Tu crois que c'est important ? C'est la clé de l'affaire, je le sens. Christian concentrait son attention sur l'affaire. Relisait ses notes, s'interrogeait, multipliait les hypothèses. Qu'avait bien pu faire Marceau la veille au soir ? Voir une amie ? Bien sûr que non. Retrouver un complice ? Récupérer de l'argent où ? Ou en donner ? Payer une dette ? Pourquoi cette idée lui venait-elle ? Marie n'aimait pas dépenser plus que ce qu'elle gagnait. Elle planifiait ses rentrées d'argent et savait ce que son mari et elle pouvaient se payer dans le mois. Elle aimait bien acheter et aurait aimé ne pas avoir de limite. Mais elle respectait sa règle du jeu et rêvait longtemps aux objets avant de les posséder. Elle préparait minutieusement ses achats, feuilletant les catalogues, allant voir dans les magasins, sur Internet ou les boutiques pour comparer les prix, la qualité, les nuances de couleurs, et puis elle en parlait avec ses amis ou son mari, ou même, de temps à autre, avec lui. Elle pouvait mettre plusieurs mois pour boucler un achat, mais quel plaisir pour elle de posséder cet objet tant convoité et parfaitement adapté à son goût. Christophe ne prenait pas de plaisir à acheter. Il n'avait pas encore appris ça de Marie, mais ça viendrait un jour ou l'autre. Il avait le temps. Il avait des choses plus importantes à faire entrer dans sa vie avant. Il avait sa liste. Il repensa au petit garçon. Il l'avait négligé. Tom avait 8 ans. Il était chez son oncle. Il fallait appeler sa mère et l'entendre. Peut-être se souviendrait-il de quelque chose. Un truc pour les aider. Il aurait aimé aider Marie, être son sauveur plutôt. Il avait envisagé plusieurs histoires compliquées et, à chaque fois, Marie se retrouvait dans une situation inextricable. Alors il surgissait pour sauver la situation, tel Zorro. Dans tous les scénarios, son mari disparaissait. Il la laissait tomber pour une autre femme, ou bien elle le quittait parce qu'il la trompait, ou il voulait lui faire faire des choses un peu particulières. Ou bien, et c'est l'histoire qu'il réinventait le plus souvent, elle avait un accident qui lui faisait perdre ses facultés. Son mari, incapable d'assumer cette situation, la laissait et Christophe, à force d'amour, de dévouement, de présence et d'acharnement, parvenait à la guérir. Autre espoir, Marie se retrouvait seule, ne pouvait plus faire face et devait vendre ses objets les plus chers. À la vente aux enchères, Christophe rachetait et offrait les trésors à sa bien-aimée. Il imaginait sa richesse en jouant au loto, en écrivant un grand succès littéraire, en réussissant des coups de bourse extraordinaires, en trouvant un trésor. Alors, il s'endormait, apaisé. Martin arriva. Où l'ont-ils perdu? Devine. Martin, s'il te plaît, où l'ont-ils perdu? Tu n'es pas commode aujourd'hui. Je me demande ce qu'a pu te dire Christian ce matin. Ils l'ont perdu dans le quartier chaud. Il est peut-être proxénète de Marceau. Non, je n'y crois pas, c'est peu probable. Christophe était de mauvaise humeur et il manquait de maîtrise ce matin. Alors, qu'allait-il faire là-bas? Tu ne vas pas me dire qu'il avait besoin de payer une fille. Il a peut-être des goûts particuliers. Il y a une boîte dans le coin? Tu sais parfaitement qu'il y a le Lismov. C'est un cabaret avec des filles stripteaseuses et des tables de jeu clandestins. Je voulais te l'entendre dire, Martin. Soit il va voir les filles, soit il va jouer. Jouer au poker, l'endroit est connu pour ça. Il paraît qu'on joue gros et que le propriétaire touche un pourcentage des gains. Voilà un travail peu fatigant et rémunérateur. On va y aller faire un tour. Dans cet endroit de perdition? Tu dois le connaître comme ta poche, le Lismov. Je l'ai fréquenté un peu lorsque je suis arrivé ici. Christophe laissa Martin conduire. Il regardait les gens qui avançaient contre le vent, puis il compta les femmes brunes et il pensa à Marie. Quand il faisait l'amour, elle lui indiquait les caresses qu'elle souhaitait. Elle guidait ses gestes avec précision, comprenant parfaitement ce dont elle avait envie. Et il adorait donner le plaisir attendu. Il buvait chacune de ses paroles, qu'elles soient douces ou coquines. Aucune n'était vulgaire. C'était une délectation pour lui de profiter de son corps, une course au plaisir. « Je veux me garer de l'autre côté de la rue. Mettons-nous de l'argent dans la machine ?»« Dans la famille à valeur de pièces, donne-moi la monnaie du parc-maître. » rigola Christophe, détendu. La salle était vaste et sombre. Les chaises retournées sur les tables, un homme costaud et énergique passait une serpillière sur le plancher vitrifié. « Tu crois que nous avons l'air de flics ?» murmura Martin. Ils s'approchèrent et Christophe présenta sa carte de police. « Bonjour, monsieur. Pouvons-nous voir le patron ?»« Vous avez rendez-vous ? Vous êtes qui ?» Ils sortirent leur carte. « C'est juste pour un renseignement. »« Je vais voir s'il est là. » répondit l'employé, pas du tout impressionné. L'homme à la serpillière disparut par une petite porte. Christophe avait souvent le sentiment d'être entré dans la vie de Marie par la petite porte, presque par effraction. Il en déduisait que sa présence était illicite et provisoire, et qu'il devrait, un jour ou l'autre, prendre la porte en sens inverse. Il avait quelquefois peur d'être découvert. C'était terrible de ne pas pouvoir étaler son amour au grand jour. Il fallait en plus le cacher, nuance subtile et désespérante. Pourquoi être tombé amoureux d'une femme mariée? Lorsqu'il y réfléchissait, il en arrivait à la conclusion qu'il ne pouvait en être autrement. Une femme pour lui tout seul, impossible, il n'y arriverait jamais, il ne le méritait pas. Le patron est absent. Revenez ce soir à partir de 21h, vous pourrez profiter du premier spectacle. Martin laissa échapper un juron, ils regagnèrent la voiture. Ils se retrouvèrent 20 minutes après devant une soupe chinoise sans bouillon. « Alors comme ça, tu n'as pas réussi à inviter Chantal à dîner ?» demanda Christophe. « Exact. Les femmes ont toujours une série d'excuses pour refuser une invitation. Pourquoi a-t-elle refusé ?» Christophe avait haussé le ton et deux femmes d'une table proche les regardaient. « T'énerve pas, je vais te le dire. Je suis curieux de savoir ce qu'elle a dit. J'en conclus que Chantal te plaît. Elle a refusé mon invitation parce qu'elle s'entichait de toi. » lâcha Martin dans un faux sourire en coin. Elle aurait pu trouver une autre excuse. C'est sérieux. Il te faut un lavage de cerveau, mon vieux. Chantal, c'est ta chance. Ne la laisse pas passer, bon sang. Une beauté. Elle sait que nous sommes amis, remarque. C'est peut-être pour ça. Et Marie? Quoi, Marie? Je ne vais pas la quitter. Je ne pourrai pas. Naturel et sincère, Martin conseilla en expert. Qui te le demande? Sors avec les deux en même temps. Tu pourras comparer. Ce n'est pas honnête. Ni pour l'une, ni pour l'autre. Erreur et enfantillage. Quant à Marie, tu la partages avec son mari et tu n'as peut-être pas la meilleure part. Christophe, blessé, se replongea dans sa soupe, vida son assiette et s'éloigna pour téléphoner. C'est fait. Je dîne ce soir avec Chantal. Tu auras la boîte tout seul, ok? Oui, je vais me sacrifier. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour toi? Pour la régularité des opérations, Marie-Solange m'accompagnera. Si tu n'y vois pas d'inconvénient. Salopard! Tu veux un dessert? Non. Ils ne sont pas terribles ici. Paye et allons-nous-en. Marie prenait rarement un dessert, pour éviter de grossir. Elle avait une jolie silhouette équilibrée, ni fluette, ni enveloppée. La première fois qu'il l'avait vue nue, Christophe l'avait trouvée pleine. Il aurait voulu trouver un autre mot pour décrire ce qu'il ressentait. Son corps n'était pas seulement beau et sensuel, il rassurait. Solide aux caresses, vivant, multifonction. Ses qualificatifs ne lui plaisaient pas plus que pleine, mais il était incapable de trouver d'autres adjectifs, comme s'il manquait de vocabulaire. Comment fera-t-il avec Chantal? Une très belle fille, inexplicablement amoureuse de lui. Si Marie le lui permettait, il y penserait jusqu'au soir. Vers 16 heures, Martin arriva au bureau, tout sourire, en possession du journal de la femme de ménage. Christophe l'attendait. « J'espère que tu n'as pas laissé trop de force cet après-midi. Ne m'en parle pas, je suis crevé. » Je croyais pouvoir m'abstenir, mais je me suis laissé entraîner. Ah bon? Tu as sacrifié ta soirée à ton après-midi. C'est une femme super sensuelle, que veux-tu? Pour avoir son journal, j'étais prêt à tous les sacrifices. Ce soir, j'aurais rechargé les batteries. L'as-tu lu? Non. Je l'ai feuilleté rapidement. Je ne crois pas qu'il nous apprendra grand-chose. Et toi? Eh bien, moi aussi. Sans effort, j'ai récupéré un journal. Très drôle. Le journal du petit garçon. Christophe lui montra un cahier d'écolier. C'est sa mère qui m'appelait. Elle l'a retrouvée en rangeant sa chambre. Il doit beaucoup lui manquer, bien sûr. Comme nous lui avons dit que tout pouvait être important, elle a décidé de nous le confier. Elle préfère ça que le faire revenir de chez son oncle pour le moment. Je l'ai un peu feuilleté. Il est tout rempli de petites phrases et est sans doute pas intéressant à lire, mais bon, on ne sait jamais. J'ai une impression bizarre sur cet enfant. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que c'est une clé pour nous, une forme d'intuition. « Et la belle Patricia, on fait quoi ?» Christophe Goguenard dit avec un large sourire. « Toi, tu as une idée. Je croyais que tu étais crevé. Tu sais bien que je n'ai aucune chance. Mon compte en banque n'est pas à la hauteur de la situation. J'oubliais. Quentin a été arrêté, paraît-il. » Christophe se leva brutalement. « Qu'a-t-il fait ?»« Je n'en sais rien. J'ai demandé à Graziani. » Qu'avait pu faire Quentin ? Replonger ? Attirer une adolescente chez lui ? Il aurait été expulsé de sa zone de bonheur sous le choc de la disparition de Denise et il serait retombé dans l'enfer de ses passions. Et lui, Christophe, était-il dans sa zone de bonheur? Dans celle de Marie? Et Marie? Marie était comme Denise, sa large zone de bonheur attirait les hommes. La preuve? Il y avait assez d'espace pour la partager avec son mari. Y aurait-il de l'espace pour y accueillir des enfants? Se demanda-t-il. Non. Sans doute non. Les enfants occupent plus de place que les adultes. Plus ils sont petits, plus ils prennent de place, et plus ils consomment de bonheur. Martin réapparut. Quentin vient d'arriver au poste. Il a dragué une jeunette et il avait commencé à s'occuper d'elle. Elle a crié et les voisins sont intervenus. Le salaud, il l'avait mise à poil, bâillonnée, enfin assez mal, et attachée. Qu'a-t-elle dit? Rien. Un psy va l'interroger. Les parents vont arriver. Christophe réfléchit un instant. On aurait peut-être dû le mettre à l'abri. Il l'avait suggéré. Il vient de se mettre à l'abri. Je pense qu'il l'a laissé crier pour se faire prendre. Merci Denise. Tiens, Patricia a prévenu qu'elle va passer. On avance, on avance. Reste Jean-Marc, le poète. Il ne se presse pas pour apparaître, celui-là. Faut y croire. Tel que c'est parti aujourd'hui. Qu'allait-il dire à Chantal ce soir? Était-il prêt à la rencontrer? Marie vivait dans ses cellules. elle habitait chaque seconde de son temps, elle était au centre de ses projets, elle était lui. Il vivait une sorte de doux esclavage. Pouvait-il avoir une femme entièrement à lui, sans partage? Serait-il capable de la rendre heureuse? Qu'allait-il lui dire ce soir et les autres soirs et les jours suivants, les nuits? De quoi allait-il parler? Il avait l'impression qu'il n'arriverait pas à trouver de sujet commun. Il se souvenait avoir eu les mêmes interrogations avec Marie, et il parlait sans cesse, sans lassitude, parfois même en faisant l'amour. Quel manque de confiance en lui, bon sang! Marie le lui reprochait souvent, mais il était buté, indécrottable. Comment expliquer une telle résignation face à la vie? Il ne servait à rien de se torturer. Puisque Chantal était amoureuse de lui, sa présence suffirait. Allait-il faire l'amour ce soir? Il l'espérait. Il prendrait l'initiative. Il le fallait. Marie ou Chantal, laquelle occupe ton esprit? Chantal. Patricia tarde à arriver. Elle se fait désirer, comme toute belle femme qui se respecte. Ce macho est con, cette remarque. Pas du tout, un constat. Il la sentait encore dans la sienne, sa main ferme et douce qui le serrait, lui transmettait sa chaleur, sa passion, ses envies. Entrez, mademoiselle Hauteborg, et asseyez-vous. Vous connaissez l'inspecteur Carpol? Oui, bonjour, monsieur le... Bonjour, mademoiselle. Que se passe-t-il? Je suis inquiète, monsieur le commissaire. Pourquoi? Il s'agit de monsieur Marchand. La mort de cette femme l'a beaucoup perturbé. Oui, et alors, qu'est-ce qui vous inquiète? Il possède une arme, qu'il garde maintenant permanente sur lui. Les deux flics se regardèrent. Ce n'était pas le cas avant, avant la mort de... Je l'aurais remarqué. Il la laissait dans le tiroir de son bureau. Désormais, il la garde sur lui tout le temps, même à la maison. Il passe des heures à tourner en rond dans le jardin, une main dans sa poche, crispé sur le revolver. Vous avez peur qu'il s'en serve? Oui, il a peut-être découvert l'assassin. Il connaît beaucoup de monde et il est capable de dépenser une fortune pour le retrouver. Vous croyez qu'il le connaît? Demanda Christophe. S'il connaissait l'assassin, il ne tournerait pas en rond. Il irait le descendre, risqua Martin. C'est bien ma crainte, il va faire une bêtise. Vous l'aimez beaucoup, n'est-ce pas? Vous savez parfaitement à quoi vous en tenir. Ce serait idiot qu'il ait des ennuis à cause de cette putain. Vous ne l'aimiez pas beaucoup, elle? Elle se tortilla sur la chaise. Pourquoi l'aimerais-je? Elle voulait me le prendre. Je serais moins inquiète si vous acceptiez de le surveiller discrètement. Nos moyens sont limités, mademoiselle. Mais vous, vous le surveillez? Oui, mais moi, je ne pourrais pas l'empêcher de faire une bêtise alors que vous... En cas de besoin, si vous en savez plus, appelez-nous. Vous devriez changer cette chaise, on se croira si sûr. Je vous reconduis. Seul, un instant, Christophe, surveillé par Marie, retrouva aussitôt Chantal. Dur à supporter. Quand tout cela va-t-il finir? Quand va-t-il se libérer de Marie? Un jour se retrouvera-t-il seul avec elle, définitivement? Elle tient à son gros, la Patricia. Elle va le surveiller de près. À la moindre incartade, elle nous appellera. Quand tu dis le gros, tu parles du magot, hein, Martin? Évidemment, approuva-t-il dans un éclat de rire. L'inspecteur Marie Solange entra. Bonsoir, cher collègue. Il y a de la joie. Ça fait plaisir à entendre un rire pareil. J'ai du nouveau. Bonsoir, Marie Solange, répondit Martin, redevenu sérieux, d'un ton mielleux. Voilà, Jean-Marc Pellerac, 37 rue Graham Greene. Bravo, merci, Marie Solange. Nous irons lui rendre visite demain matin. Pas possible. Selon la concierge de l'immeuble, il passe surtout la nuit, et pas toutes les nuits. Quel con ce type, c'est pas vrai ça. C'est si grave. Il suffit d'y aller la nuit, suggéra Marie Solange. Il va falloir y aller cette nuit, affirma Christophe autoritaire. Ok, on annule notre dîner. Désolé Marie Solange, on fait comme on a dit. Christophe, Marie Solange et moi irons dans la boîte à jeux préférée de Marceau et nous nous retrouverons après. D'accord. Entre-temps, j'informe une journaliste avec qui j'avais... Nous nous retrouvons sur la promenade, vers 21h30. Bon, venez, Marie Solange. Allons-y, nous allons poursuivre l'enquête ensemble, de notre côté, pendant que l'inspecteur-chef Carpol se démène du sien. Essayons d'être à la hauteur. Mais à deux, nous avons nos chances.